C'est un art fort, délicat, qui demande un grand esprit d'observation et de longues et patientes études. Quel art de produire les sons, de les moduler et de lui faire exprimer des myriades de nuances qui sont la richesse du coloris musical. La virtuosité sensiblement modifiée dans ses modes d'expression a tracé des voies nouvelles, trouvé des effets inconnus qui ne pouvaient produire des instruments à courte vibration d'une échelle limitée. Les basses graves et profondes attaquées par la main gauche sont bien et dehors et sonnent fortement sous des dessins harmonieux qui accompagnent d'une façon liée et soutenue soit des phrases expressives aux accents caractéristiques, soit des pensées mélodiques aux contours élégants, gracieux, sobrement ornés, soit enfin des traits brillants d'un tissu harmonique très serré et parcourant toutes les entendues du piano.